Perrine et Mathilde, vous êtes au cœur de la formation Les Robertes, groupe qui agite la scène rock du côté d'Apt depuis quelques années. Perrine, bonsoir. Salut, tout le monde. Mathilde, bonsoir. Salut, briefiant. J'avais omis de préciser que c'était du rock qui ne se prenait pas au sérieux. J'ai pu m'en apercevoir quand je vous ai découvert sur scène il y a 2 ans. C'était sous un chapiteau monté dans la garrigue, avec des artistes de cirque, pour une soirée cabaret organisée par la fabuleuse Mesquine Company, une asso d'Apt, ville où vous sévissez vous aussi. Quel souvenir gardez-vous de ce moment ? C'était une super belle histoire. En fait, c'était le début d'une aventure entre Copy Art Company, qui est donc maintenant fabuleuse Mesquine Company. Et ça c'est sûr, qui est un peu la maison des Robertes, où en fait c'est une asso, où c'est de l'autoproduction de A à Z, donc voilà, on produit avec cette structure-là tout ce qui est autour de des Robertes. Voilà, la fabuleuse Mesquine, pour l'occasion, avait ramené le chapiteau et tout ce qui était le côté cirque, et nous on faisait la musique, mais pour monter tout ce projet-là, on a passé 3 jours sur le lieu, on a tout fait nous-mêmes, et voilà, de A à Z, quoi. Ouais. Donc c'était chouette. C'était vraiment classe parce que justement bosser avec des circassiens, c'était énorme parce que les morceaux prennent 2 fois plus d'ampleur, 2 fois plus d'images. Enfin moi je suis assez gourmande d'images et de pixels. C'est à l'occasion de ce concert que je vous ai découvert, mais comment vous êtes-vous rencontrés ? Il y a vous deux, les Robertes à proprement parler, et vos deux comparses, les frères Bébert, à savoir Fred et Fabien. Ce dernier a notamment joué avec Raoul Petit, et toi-même, Perrine, tu as des projets musicaux en parallèle des Robertes. Comment avez-vous été amenés à travailler ensemble ? Je pense qu'on s'y est mises toutes les deux, Mathilde et moi, parce qu'on était entourés de musiciens, tout simplement, donc ça donne super envie. Et après avoir baragouiné un petit peu et fait nos premiers morceaux pour les jouer sur scène, on est allé débaucher les deux là, du coup, qui nous ont suivis, quoi. Donc c'est marrant, ça fait un petit contraste entre nous qui sommes... Bon, on peut plus dire débutante maintenant, mais on s'y met il y a vraiment pas longtemps, qui composent les morceaux, et eux qui sont des super musiciens qui tiennent la baraque derrière, quoi. Donc voilà, tout ce mélange, ça donne ça. Vous avez donc débauché vos deux compères, mais toutes les deux, comment vous êtes-vous rencontrées ? On zone dans le même petit bled, donc voilà. Fallait que ça arrive à un moment donné. Puis il y avait d'autres aventures musicales qui étaient Golden Bollocks. Et Fritz Kartoffel, qui tourne toujours, Golden Bollocks, c'est fini. Mais c'était vraiment une bonne bande de potes où on faisait bien les cons avec eux. Puis voilà, ça nous a donné envie de faire de la zik, comme elle a dit. Voilà, c'est comme tu disais, c'est exactement ça, quoi. Puis Mathilde, un jour, elle s'est ramenée avec 3 pauvres textes. Elle m'a dit, viens, fais de la guitare. Bon, d'accord. Puis on a essayé, puis voilà. Puis on n'a pas lâché l'affaire, quoi. C'était vraiment les débuts, enfin Perrine, le début de guitare. Moi, je chantais pas du tout, j'avais juste des écrits, enfin des textes. Et c'était vraiment tout minable, quoi. Mais les zèbres derrière, ils nous ont suivis. Donc c'est ça qui a fait aussi que les Robertes ont existé aussi. Sans eux, on serait pas là, et sans nous, ils seront pas là aussi, quoi. Pour être franc, j'ai l'impression que la mise en commun de vos talents aboutit à un projet musical non identifié. En effet, au niveau visuel, vous vous inscrivez dans l'univers du cabaret, avec les bas rayés, les jartelles et le maquillage lunaire. Quant aux messieurs, ils arborent veste, chapeau melon, lunettes noires et slip kangourou. Ce décorum gentiment décadent fait spontanément penser aux Dresden Dolls et au Maxi Monster Music Show, ou de manière plus lointaine au Maximum Quête et au Suprême d'Inde pour le côté travestissement. Mais au niveau sonore, ça s'éloigne nettement de cet univers feutré avec un rock à l'esprit punk et des concessions vers le swing. À partir de là, je me demandais quelles étaient les influences que vous revendiquiez. Ce qui me vient à l'esprit, il y a pas mal de groupes au début, je pense, de rockabilly et peut-être un peu psychobilly, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vire un petit peu vers le garage. Ensuite, moi j'ai tout un côté d'influence aussi qui vient des Pixies et un petit peu plus pop, on va dire, quoi. Et toi, Mathilde ? Moi, en fait, je viens plus du théâtre, à la base. Donc c'est en fait vraiment on s'est croisés Perrine et moi sur Perrine son univers punk et rockabilly et garage que je suis fan aussi, mais c'est pas vraiment de là où je viens vraiment, et moi et mes féeries et ma tête qui plane et mes images rêveuses, voilà. Donc ça, vraiment le monde des Robertes, c'est ces deux mondes là qui se sont confrontés, quoi, vraiment. Puis on est comment dire ? Ouais, c'est exactement ça. Ouais, moi j'ai l'impression d'être le côté terre à terre. Tu vois, il fait les morceaux machin, et puis toi tu viens faire tes trucs dessus. Ouais. Voilà. Puis ce qui est bien, on fonctionne bien à deux aussi, c'est qu'on a trouvé vraiment la façon de composer. on a trouvé... En fait, ça se passe, je le vois, comment on compose à deux, déjà. C'est que moi, j'ai un texte, j'écris une couleur un peu, je lui file. Elle fait en général exactement comme je le pensais et que ça sonne vraiment comme j'aime l'univers y est, les mélodies, enfin voilà. Et après, donc, elle me refile la maquette, on trouve les mélodies soit à elle, soit à moi, enfin ça dépend un peu des refrains, des couplets. Et ensuite, après, on s'enferme avec les deux frères Bébert, eux qui sont nos arrangeurs. Voilà, c'est eux qui... C'est eux, voilà, les structures c'est eux, souvent aussi. Voilà, enfin c'est vraiment une équipe quoi. On pourrait pas. Puis des fois il y a Fabien qui ramène des morceaux et en même temps il y a Perrine qui s'approprie le truc aussi. Il y a des textes de Perrine aussi des fois, donc moi je m'approprie le truc aussi. Enfin c'est vraiment c'est une plaque tournante quoi. On n'a pas vraiment les Roberts, c'est nous deux. Vraiment on a attaqué ça à deux, mais il y a on peut pas dire que c'est que toutes les deux qui travaillent sur la compo et la couleur quoi. Voilà. Fabien, qui est votre batteur. Tu dis venir du théâtre, c'est sans doute de là que tu as ramené les deux effigies de Monsieur Hercule qui ornent la scène de part et d'autre lors de vos concerts. My taxi boy! Fucking taxi boy! Ce texte-là, Taxi Boy, c'est vraiment une histoire. Je veux danser, mais j'ai les pieds rouillés. Enfin, non, j'ai les pieds cassés. Je veux danser, mais j'ai les yeux rouillés. Enfin, vraiment, tout du long, c'est une espèce de petite drague avec les Taxi Boys qui étaient des personnages qui faisaient danser les nanas. Dans quelle époque? C'est un 1930, par là, un peu. Ouais, c'est bien mon époque, quoi. Enfin, notre époque. Et voilà, il y a tout un jeu de danse avec eux et je veux danser mais je suis complètement cassée donc c'est très minable mais en même temps j'adore ce côté décalé quoi, c'est jamais... Ils nous encadrent quoi, ils nous gardent comme tu dis, c'est nos Hercules, enfin c'est nos, ça fait un peu nos colonnes d'Hercule quoi. ce que j'aime aussi dans la mini scéno qu'on a sur nos trois lampadaires, nos Taxi Boys, c'est tout qui reste très simple, mais en fait ce qui est enfin vraiment tout de suite avec les Roberts, on s'est dit attends, qu'on arrive dans un petit bar avec une mini sono ou un petit crin-crin avec une toute petite scène et une grosse scène, on a déjà une espèce d'ambiance qui est posée. Enfin voilà, on n'arrive pas, on va pas beugler notre album pendant une heure et demie en jean, comme beaucoup de groupes font. Et des fois, ils font très bien. Pour moi, il y a David Bowie qui fait ça très bien, mais après les autres, des fois, ça me gave. Mais voilà, juste vraiment de poser un univers, quoi. Que ça soit pas juste de la musique aussi. C'est de la musique tout d'abord, mais qui est quand même un truc à dire derrière, une image. Une question qu'on a déjà dû vous poser 100 fois, mais je suis obligée d'y venir aussi. D'où vient ce nom de scène, les Roberts? Vas-y, Mathilde. Alors, les Roberts, je vous disais que je venais de Roubaix. Et en fait, Roubaix, qui est une ville hyper prolo, je suis fille d'ouvrier, enfin voilà, c'est vraiment dans le nord, et puis c'est vraiment les usines. Et en fait, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelait les Trois Ponts, à Roubaix. Et en fait, en face de chez moi, il y avait la famille Berthe. Et mes frères, ils disaient toujours, mais toi, de toute façon, tu viens de la famille d'en face. Et donc, ils m'appelaient Berthe. Et du coup, en fait, c'est venu de là. Et après, on a bien déconné avec Perrine en disant que, ben voilà, de toute façon, on a des petits nibards. Donc, forcément, on va s'appeler les Roberts. Et voilà, il y avait tout un truc autour de ça, quand même. C'est la référence, il faut garder la référence à la poitrine, je pense, dans le nom. Enfin, nous, on s'amuse avec ça, en tout cas. Oui, et oui, parce qu'on est à moitié à poil, donc voilà, ça fait un peu raccord avec le côté lingerie et machin, compagnie, tout ça. On exhibe un peu nos Roberts, quoi. Pourtant, le logo du nom du groupe n'est pas un soutien-gorge, mais un slip kangourou. D'où ça vient, ça? Ça vient que, étant donné que les hommes n'ont pas de seins, on a décidé de montrer une autre partie de leur corps. voilà, à savoir leur slip et leurs jambes toutes maigres et poilues. Et, non, mais ça fait rigoler de les voir habillés... Ils sont tout beaux en haut avec une jolie veste, machin, tout ça, puis en bas ça devient n'importe quoi, donc c'est drôle. C'est un super contraste, quoi. Il y a le côté ringard du slip kangourou qu'on adore et qui peut faire que poiler de rire. C'est un bon emblème. Un bon emblème de vos délires en concert, car vous êtes avant tout un groupe de scène. Pourtant, on peut aussi les apprécier sur le net avec des clips très soignés, comme celui du titre Wanna Get In Your Bed, dans lequel Perrine conduit une Citroën DS dans une ambiance de film noir. Comment s'est passé le tournage? Ça aussi, c'est une histoire d'équipe. Enfin, on a bossé avec Florent Ginesté, qui est en fait un développeur de 16 mm qui habite à Apt, de là où on vient. Et On voulait vraiment ce côté crade du 16 mm et ce côté qu'on ne trouve pas, parce que même si on fait un clip en HD et qu'on remet un espèce d'effet spécial à deux balles de vieilli, ça se sent pas, enfin vraiment il manque une matière, enfin il manque quelque chose. Donc j'étais assez chiante là-dessus, on peut dire. Et en même temps, tout simplement, je crois qu'on a eu la chance d'avoir ce mec-là sous la main à côté de nous. Qui a été super emballé par le projet. On s'est ramené avec un storyboard, machin, tout ça. Enfin, tu vois, en tout cas, une petite histoire. Et ça a super emballé tout le monde. Du coup, on s'est retrouvé à tourner pendant une semaine dans des super locaux. Et ouais, c'était comme au cinéma, quoi. C'était super. Moi, j'ai appris plein de trucs. Ouais, c'est intéressant, la pellicule. C'était une sacrée équipe. Ouais, voilà, on était 25. C'était une résidence au Vélo Théâtre à Apt pendant une semaine. Tout le monde s'y est mis, tout le monde, mais vraiment, vraiment, il y avait une ambiance du tonnerre, il y avait de tout, puisqu'on a fait des scènes intérieures, enfin, il y a plein de décors différents, donc on a fait des scènes extérieures aussi, enfin, vraiment, c'était une sacrée expérience pour nous, quoi, vraiment, d'être entouré de tous ces gens-là qui font ça super bien, enfin, puis vraiment, le résultat, il est vraiment comme on voulait, quoi, enfin, et puis il y a toute la partie musicale. En plus, sur le générique ou même sur l'intro du clip, c'est Fabien qui a fait son boulot de musicien de tonnerre, là, du tonnerre, de tonnerre. Fab, ça poil. Moi, je voulais dire que j'avais fait à peu près 200 km en DS sans bouger grâce à ce clip. Voilà, c'est le décor qui défilait derrière. Et juste, je tenais le volant, j'ai crâné grave, hein, mais j'ai pas fait un kilomètre, quoi. Je reste un peu frustrée quand même. Il va falloir que j'aille la voler, celle-là. Au moins pour faire une semaine. D'accord. Autre chose qui fait du chemin, c'est l'album que vous avez sorti en novembre 2009. Le 12 titre, ouais, qui est fabriqué à la maison. Alors ça, c'est aussi une aventure, une belle aventure, on va dire, d'autoprod. Parce qu'il faut arrêter de rêver, je crois qu'avant qu'il y ait un label qui vienne nous voir et qui dise « Bon, ok les gars, on a 10 000 euros pour vous enregistrer dans un méga studio, vous faire une énorme tournée mondiale après le CD. » Voilà, on n'en est vraiment pas là, loin de ça. Donc voilà, on s'est bougé vraiment le cul, on va dire, pour que ça existe. Donc Fabien a fait un super travail en studio, donc ça enregistre à la maison. On bossait à l'époque avec une bécane, donc une machine qui gravait et qui imprimait 50 CD à l'heure. Donc en fait, vraiment, on a fait des petits chinois pendant 3-4 jours à coller au pistolet à colle nos pochettes de CD, nos plateaux. On a bossé avec un imprimeur du coin. Donc voilà, on continue à les fabriquer au fur et à l'usure. Voilà, tout doucement. C'est vrai que l'autoproduction est une aventure et d'autres groupes m'ont dit que c'était vraiment usant. Est-ce que vous envisagez à terme de démarcher un label malgré tout ? Je pense que c'est pas exclu. Moi, ça me fait pas franchement rêver. Ce qui me fait rêver, c'est d'aller enregistrer en studio quand même, à un moment donné. Ça, oui, à fond. Après, un label, oui, mais pas à n'importe quelle condition, quoi, tout simplement. Voilà, c'est tout. Enfin, on a une intégrité. Enfin, moi, j'ai une intégrité et une politique, en tout cas, dans ce que je fais. Donc voilà. Puis j'aimerais bien garder une certaine liberté. Je sais pas, moi, je vois ça un peu comme un espèce d'enchaînement. Puis ça me. Je crois que c'est vraiment des rencontres. C'est vraiment des rencontres avec des gens qui ont envie de porter le truc avec nous, de mais vraiment, enfin là où j'ai envie d'être entière sur peut-être l'avenir de ce projet, c'est vraiment faut que ça parle dans les tripes, quoi. Faut que le mec en face de nous et dans les yeux, il ait vraiment envie de porter le truc jusqu'au bout avec certaines conditions, avec les siennes et les nôtres aussi. Donc c'est une histoire d'échange et de discussion. Voilà, après ouais, concrètement. Faut trouver les bonnes personnes, quoi, je pense. Ouais, c'est comme une espèce de mariage. Ouais. Mais ouais. Ça peut venir à un moment, ça peut arriver. Mais voilà, pour le moment, on continue à se battre avec notre petit merdier et notre ouais, façon de continuer à diffuser de la musique. De toute façon, il va falloir dealer de la musique, c'est pas autrement. C'est aller dans les sous-sols, dans les petits bars, aller dans les belles salles et continuer à vivre comme ça, parce que de toute façon, il n'y a pas à chier. Et ça peut pas fonctionner comme ça d'un coup, quoi. Il y a une légende urbaine à ton propos, Perrine. Il paraît que si le rock des Robertes est si énergique et sensuel, c'est parce que ton gynécologue a la maladie de Parkinson. Oui, en grande partie, ouais. Je pense très fort à lui à chaque fois que je suis sur scène. Ouais, il me fait découvrir un tas de trucs. Évidemment, ouais, ça fout la patate. Hein. Faut quand même savoir que dans les aventures gynécologiques, Je me suis retrouvée donc les jambes écartées avec un gynéco qui faisait une petite visite et qui me demande ce que je fais dans la vie. Donc je lui dis je chante dans un groupe qui s'appelle Les Robertes. Quoi ? Comment ? Les Robertes ? Mais vous savez d'où ça vient cette expression, justement, les Robert ? Ça vient en fait d'une tétine. La première tétine en latex était la marque Robert, en fait, dans les années 30. Et donc voilà, donc il m'a fait tout un speech. Mais vraiment, la situation était presque idem que l'effet Parkinson. Ouais, on partage de super moments avec nos gynécologues, voilà, pour conclure. En observant les concerts que vous aviez faits jusqu'à présent, je me suis aperçu que vous aviez surtout joué autour de chez vous et un peu dans le sud-ouest. D'où vient le fait que vous n'êtes jamais allé un peu plus loin ? Les difficultés à être défrayé, entre autres ? Bah, tu l'as un peu dit, ouais. C'est une histoire de thunes. Enfin, en même temps, pas vraiment. En fait, c'est une histoire. Enfin, vraiment, je me suis rendu compte, c'est moi qui démarche derrière pour trouver des dates Robert, machin, tout ça, à m'exciter. Là, j'ai passé l'hiver à m'exciter. C'est pour ça qu'on a pas mal de dates cet été. Et je suis assez contente. Mais c'est un métier. Enfin, on en est à un stade aussi où c'est nous qui faisons tout. Donc du coup, c'est un métier, c'est de la vente. Ça se passe vraiment sur des rencontres encore. Si on va plus dans le sud-ouest, c'est que Joël, un super gars qui se bouge et qui adore les Robertes et qui fait en sorte de trouver 5 dates pour les Robertes chaque été. Quoi. Voilà, donc, ouais, c'est beaucoup une histoire de gens qu'on croise, quoi, et de groupes entre autres. Qui au bout d'un moment disent venez jouer, nanana, machin, tout ça. Mais ouais, pour monter plus haut, ça prend un peu de temps. Mais ça viendra. En plus qu'elle a de la famille à Roubaix. Voilà, on ira jouer à Roubaix. Je vais pas parler comme ça parce que je vais rien comprendre. Pour le moment, vous avez tout de même une belle série de concerts qui s'annonce, non ? On retourne dans le sud-ouest. Une petite semaine en été, là. Parce qu'ils nous ont adorés, donc tout le monde veut qu'on revienne, nanana. Puis là-bas, c'est chouette. Enfin, ouais, il y a des publics sympas, j'y ai trouvé. Ils aiment bien manger. Et voilà. Est-ce qu'on a des grosses dates qui défoncent tout, là, où c'est que des petits machins cet été, je sais plus. Alors, on va jouer au Festival d'Espigoul, qui est à Gina Servi. Et en fait, on part après dans le sud-ouest, enchaîner 5 dates. Qu'est-ce qu'on a ? Le Clash Bar à Avignon, le 23 juillet. On part un peu dans la Drôme. Surtout là, ce qui va arriver très rapidement, c'est une résidence à Gap, grâce au LAP, qui est un lieu qui essaie de se battre depuis 7 ans sur l'alternatif à Gap. Donc voilà, on va s'enfermer une semaine pour bosser vraiment le côté scéno de l'histoire, puisque là, c'est un peu un nouveau set, on a quelques nouveaux morceaux. Avec un concert le 21 mai, donc à Espinasse, près de Gap. Le 8 juillet, au Festival d'Espigoul. Bah, Espigoul, c'est quoi ce film ? C'est les 4 saisons d'Espigoul, ouais, ouais. C'est un film à moitié documentaire, on va dire, sur la vie d'un petit village, quoi, où je te perçois qu'ils sont tous complètement cintrés là-bas dedans. Et depuis, ils ont monté un petit festival en espèce de commémoration à ce film, quoi. Donc tu vas dans le bled, et puis c'est la bringue pendant 2 jours. Donc ouais. Du coup, ils nous ont invités à venir faire la bringue avec eux. Oui, puis il y a le côté hyper populaire qu'on adore. Enfin, vraiment, c'est des rencontres exceptionnelles entre la mamie qui est sur son banc toute l'année et qui croise des espèces de cintrés aussi comme nous qui débarquent et qui envoyons du slip. Enfin, c'est génial, c'est une confrontation de monde assez extraordinaire. Allez, puisque les filles ont toujours le dernier mot, quel sera le mot de la fin ? Venez sans dessus, repartez sans dessous. C'est notre nouveau slogan, on vient de le trouver il n'y a pas longtemps.